pas les étudiants. Ce sont des garnements, ils sont trop brillants. Mon oncle déteste les manifestants. Ce sont des fainéants qui font les enfants. Ils bousculent son quotidien, l'empêche de gagner son pain. La police et l'armée devraient y mettre fin. Leurs parents ne respectent plus nos lois, ils ne pensent qu'à leur tiroir. Dieu est mort et les gens n'ont plus la foi. Il les mettrait tous en prison pour leur faire entendre raison, ces petits fanfarons. Les manifestants, ce sont des mécréants, de vrais enfants. Ne pourrait-on pas parler de la dette? Ne pourrait-on pas parler de la dette?